camp. Je sais, on dit que ça ma vie, mais c'est long le chemin. Ma qu'il est long le chemin.